comme ce sont la teste. Je fais du hors-piste, mes pensées ont la peste. C'est ça la vie d'artiste, ma vision t'es en fiévreuse, névrosée. Au naturel, une télé en intraveine, j'ai osé. Non, la tuerie, besoin de m'évader, de mettre un nom à ma prison, besoin de devenir réalité, de mettre un terme à la fiction. J'ai assez à me préoccuper au sein des miens. Miens, miens, pourquoi tu veux que je te parle de rue, j'y connais rien, rien, rien. Un côté sombre, un côté droit, un côté chaud, un côté froid, un côté street, un côté loi. Un coup c'est moi, un coup c'est toi, putain. Mais quelle merde, comment savoir qui je suis? Mon miroir ne fait que de mentir, à force d'avoir le cœur plein dessus, j'écris ce qui me passe par la tête. Comme l'a conseillé mon psy, on trouvera un petit bout de toi dans ma tête. À mon autopsie, artiste d'aujourd'hui, sans âme, à la recherche d'enzymes pour accélérer le transit de rêves posés dans le transat. Dimension artistique, mais je suis pas Mozart. J'aimerais t'en faire un classique, pourtant j'emmerde les beaux-arts. Cherche un cœur d'occasion ou partir vivre une vie de poème. Essaye de pas mettre dans une cage, j'ai déjà pété toutes les miennes. Bien se parle à dit, bien avant moi, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a un coup d'avance. Pour dépasser le stade humain, rappelle-toi d'hier et souviens-toi demain. Tu veux faire dans le grandiose un grand appart, de grandes fleurs, de grandes voitures, de grands billets. Mais t'as même pas un grand cœur. Je nettoie le visage de mon passé, sans balai. Je sens mon cœur s'emballer sur mon flèche, sans palais. Cupidon s'emballer, n'en bâtis pas sur moi. Ton voisin en a peut-être plus besoin. Pourquoi t'il s'éteint triste quand tu le croises au bout de ton chemin? L'impression d'être égaré depuis que sa mère était en clope. Tu lui as déjà parlé, à part quand tu lui taxes des clopes. C'est qu'un texte te laisse pas perner. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas faire le sentimental, mais je pleurais bien avant que tu m'écoutes. Je partage mes vérins, stable et toujours ma plus marginale. La magicien, stable pour écrire un flow machinal. C'est ça la vie, que d'émotions quand j'écris ce texte. Mais tout mon manteau est vécu pleinement, même la tristesse. Oublie la fiction, le monde est là. Ouvre tes yeux, deviens un homme et bats-toi comme Mandela. Les sourires s'affaissent et les problèmes sont fausses. Le taux d'amour est en baisse, le taux de suicide est en hausse. Tu voulais être architecte et t'as fini pillé de part. Ironique, je manque de tact, mais les bonnes paroles se font rares. Demande à cette fille violée pourquoi elle peut plus donner son corps. Demande à ce palestinien, ça fait quoi de pleurer à mort? Demande-moi d'où vient cette rage, pourquoi je sais chez les classes. Et demande-toi ce que tu dois voir quand tu te regardes dans la glace. Demande-toi ce que tu dois voir quand tu te regardes dans la classe. Demande-toi ce que tu dois voir quand tu te regardes dans la classe. Demande-toi ce que tu dois voir quand tu te regardes dans la classe. Dans la classe. Pour parler de moi encore de moi. Je viens faire mon métier d'homme mais j'ai plus la gueule de l'emploi. Même ceux qui t'aiment s'en vont. Et ce texte c'est du vent, la vie m'a passé un savon. Du coup je me prends pour un savant. Ma rime est un trottoir et tu n'es qu'un passant. Qui arrivera trop tard sur les vestiges de ma passion. Je dois être trop égoïste, seul Dieu est omniscient. Si seulement il existe, quel être est vraiment conscient? Un smile apaisé, mais un regard assombri. Je me suis encore fait baiser à penser mon âme à l'abri. Ouais ma plume en a marre de pleurer à ma place. Je lui fais rêver un cauchemar et c'est qu'en attend que ça passe. Et ça passera pas, posé sur ce sample. Quand le diable te rend visite, c'est un aller simple. Ok.